La légende du cheval avec une taille d'épicier. Je voyageais dans une lointaine contrée. Soudain je vois un cheval avec une taille d'épicier. Par cette vision je suis quelque peu intrigué. Cheval avec une tête épicieuse.